Pas danseur, on veut tenir la cité. On écoute pas ce qui se dit. J'écoute mon cœur et mes pensées. Ce que la vie m'a appris. Je doublerai 3-4 fois en faisant les bons placements. Je sais ce que mes yeux ont vu. Ce qui a touché ma paire de gants. C'est peut-être un gros calibre pour tous les bijoux chez Watt. J'fume que du putain d'or et des fois j'ai des trous de mémoire. J'm'endors avec un avion de charge. Ne t'en fais pas pour le pilotage. 4 minutes pour la prise d'otage. Je me rappelle plus de son blaze. Mais je sais qu'à mes pas les dents. Minimum 4 étoiles. J'ai yombé le baladin. Oh. Est-ce que tu piges? J'ai des potos compris, tu piges. Ouais. Est-ce que tu piges? Montre à tous ceux qui négligent. Ouais. Hier c'était la tèche. Y'avait une anti-sèche. Ouais, j'ai bu un hège. Et on fait tomber la fraîche. Les mauvais, j'ai fait le truc. Même ta poussée a un truc. Je vais pas faire que tu brilles. Je vais pas faire que tu brilles. Quand tout a commencé, on faisait ça pour le plaisir. Mais le plaisir est devenu rentable. Je peux plus tenir les murs. Je me rappelle plus de son choix. Mais je sais qu'il a fait chaud hier. Il est revenu aujourd'hui. Y'a que de la frappe sa mère. Un jour dans la boîte à gants, garé sur une place livrette. À la naissance et la mort qui attend. En se tenant au-dessus de nos têtes. Dans la caisse 5 fois de 30. Tout ce qu'on a pris, on le vend. Y'a des trucs qui font peur au grand. Tout ce qu'on n'a pas, on le prend. Cagoulé comme le psych. Ni que sa grand-mère le smic. Ni qu'un succès d'estime. C'est qu'on est là pour le fric. Putain que c'est pour l'oseille. Donc je repars en mission. On subit pas la pression. Elle n'est pas à mon sommeil. Ouais. Est-ce que tu piges? J'ai des potos compris, tu piges. Ouais. Est-ce que tu piges? Montre à tous ceux qui négligent. Ouais. Hier c'était la tèche. Y'avait une anti-sèche. Ouais, j'ai bu un hège. Et on fait tomber la fraîche. Les mauvais, j'ai fait le truc. Même ta poussée a un truc. Je vais pas faire que tu brilles.